Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue à French Pod. Je m'appelle Amaury. Je m'appelle Erika. This is the upper intermediate lesson. Exactement. On va se plonger aujourd'hui un peu dans le monde de la politique. Génial. J'adore ce monde-là. Oui, parce qu'on a une situation qui n'est pas commune, en fait, et qui est d'autant plus intéressante qu'elle concerne la France et l'Union européenne. Et la présidence des deux. Exactement, voilà. Donc, la première chose sera d'écouter le dialogue, et après, nous reviendrons pour vous expliquer quel est le rôle de chacun. Tu sais quoi ? Mon coiffeur a essayé de me faire croire que Nicolas Sarkozy était non seulement le président français, mais également le président de l'Union européenne. Et tu as avalé ça ? Bien sûr que non, on me l'a fait pas à moi. Je n'ai pas cru une minute. Eh bien, c'est malin. Tu veux que je te dise ? T'aurais mieux fait de le croire. Quoi ? C'est vrai ? Plus ou moins. Laisse-moi t'expliquer. Depuis le 1er juin 2008, la France assure la présidence du Conseil de l'Union européenne pour une période de 6 mois. Comment ça ? Cette fonction est assurée par les États membres selon un système de rotation semestrielle. Le président et le ministre des Affaires étrangères du pays à qui c'est le tour deviennent alors la voix et le visage de l'Union européenne. Ils s'expriment au nom de tous les États membres. J'ai du mal à saisir. Sarkozy n'est donc pas vraiment le président de l'Union européenne, mais la représente jusqu'au 31 décembre 2008. J'y vois un peu plus clair. Mais avoue que mon coiffeur n'avait pas tout à fait raison. Alors, nous revoilà. Est-ce que tu y vois un peu plus clair, Erika ? Oui, j'y vois beaucoup plus clair. Bien, j'en suis content. Parce que cette personne qui est allée chez son coiffeur... Non, mais c'est vrai, quand on va chez le coiffeur, on parle beaucoup, généralement. Enfin, les coiffeurs parlent beaucoup. C'est vrai. Et on peut apprendre des choses. C'est vrai. Des coiffeurs. Bon, là, il a de la chance. Enfin, il n'a pas de chance, je sais pas. C'est un coiffeur qui parle de politique. Oui, il essaie de lui faire croire que Nicolas Sarkozy était non seulement le président français, mais... Également le président de l'Union européenne. Pourquoi pas le président du monde ? Moi, je ne vais pas avaler ça. Donc toi, tu n'y crois pas ? Voilà, et c'est ce qu'elle a dit. Et en anglais, on dirait « to buy it ». Ah d'accord. Mais vous, vous dites... Avaler. Swallow it. Alors, est-ce qu'il a avalé ça ? Bien sûr que non. Parce qu'il dit « on ne me la fait pas à moi ». Qu'est-ce que ça veut dire si je dis « hey, moi, on ne me la fait pas à moi ». Ça veut dire, ce n'est pas moi qui vais croire ça, qui vais croire une telle absurdité. Oui, moi, je ne suis pas tombée de la dernière pluie. Exactement. Alors, l'autre, il fait semblant de lui donner raison. Il dit, ah, c'est malin. Mais il est sarcastique. Tout à fait. Puisqu'il lui dit ensuite, tu aurais mieux fait de le croire. Tu aurais dû. Oui, exactement. Tu aurais mieux fait de... Par exemple, j'aurais mieux fait de terminer mon travail hier. Et tu es en retard. Ouais, voilà. Moi aussi, j'étais en retard, mais pour une autre raison, c'était ce matin. J'ai pris le taxi, il y avait des bouchons, et j'aurais mieux fait de prendre le métro. Ah Marie, tu veux que je te dise ? Dis-moi. Tu aurais mieux fait de te laver plus tôt ce matin, en fait. C'est vrai. Si je dis la vérité, quand même. Alors, il apparaît que c'est vrai, cette histoire. Plus ou moins. Il y avait du vrai dans ce que disait le coiffeur. Ok. Mais il y a quelques nuances, quand même. C'est bien vrai que, depuis le 1er juin 2008, c'est la France qui assure la présidence du Conseil de l'Union européenne. Assurer, là, qu'est-ce que ça veut dire ? La France assure la présidence. On dit assurer une fonction, un rôle. Et ici, ça veut dire remplir une fonction, remplir un rôle. La France assure la présidence de quoi ? C'est le Conseil de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il donne des conseils ? Non. Non, ici, le mot conseil a un sens différent. Ici, ça veut dire une assemblée. Ok. Donc, on a l'Union européenne, ce groupement d'États, c'est une assemblée qui forme une institution pour l'Union européenne. Alors, depuis le 1er juin 2008, c'est Nicolas Sarkozy qui assure la présidence de cette assemblée du Conseil de l'Union européenne. Oui, parce qu'il est le président de la France. Pourquoi c'est la France et pas, par exemple, les autres pays européens ? Parce que c'est le tour de la France et qu'il y a un système de rotation semestrielle. Donc, ça veut dire que ça change tous les 6 mois. Et c'est seulement en ce moment, pendant cette période de 6 mois, que la France assure la présidence. Exactement. Mais c'est pas seulement le président, non ? L'autre personne qui va jouer un rôle principal dans cette présidence est le ministre des Affaires étrangères français. Le ministre des Affaires étrangères ce qui veut dire the Secretary of State, normalement, Foreign Affairs Minister. Mmh. Oui, c'est deux personnages qui jouent les rôles principaux dans la présidence. Les deux deviennent la voix et le visage de l'Union européenne pendant cette période de 6 mois. Oui, ça veut bien dire qu'ils s'expriment au nom de l'Union européenne et de tous les États membres qui la composent. Si Sarkozy dit quelque chose, il parle au nom de la France et aussi au nom de l'Union européenne pendant cette période. Voilà, quand il s'exprime dans le cadre du Conseil de l'Union européenne. Oui, quand il fait un déplacement à l'étranger. Bon, disons que Sarkozy dit quelque chose de la Chine, par exemple. Oui. Il parle au nom de la France, évidemment, parce qu'il est la présidente de France. Mais quand il dit ça pendant cette période, est-ce que ça veut dire aussi qu'il parle au nom de l'Union européenne, même si les autres membres ne sont pas d'accord? Attends, il y a une petite différence. C'est toujours clarifié quand il agit en tant que président de la France ou quand il agit dans son rôle en tant que président du Conseil de l'Union européenne. On le dit, c'est annoncé qu'il s'adresse en tant que président des Français. Ah bon? Ou en tant que président du Conseil de l'Union européenne. Ok. Voilà, comme ça, c'est clair. C'est un peu complexe. Voilà, c'est... Comme système. Quelqu'un peut avoir du mal à saisir. Avoir du mal à... C'est difficile pour moi, à... Avoir du mal à faire quelque chose. J'ai du mal à regarder ce film parce que c'est trop violent, par exemple. Exactement. Et puis, l'autre mot dans cette expression, c'est intéressant aussi, saisir. Oui, qui veut dire comprendre. Qui veut dire en fait « grasp ». Oui. Mais les Français emploient le mot « to seize » quand on dit « grasp ». Voilà. Mais c'est pareil. Oui, voilà, c'est intéressant. Et en fait, c'est vrai, comme cette personne, j'y vois un peu plus clair. C'est vrai maintenant? Ah ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il dit « j'y vois un peu plus clair » Pourquoi il y a un « y » Ça sert à quoi? Autant prendre la phrase sans « y ». Ce serait « je vois un peu plus clair dans cette situation complexe, dans cette complexité ». Okay. Comme si c'était un endroit. Même si c'est abstrait. Oui, et c'est pour ça qu'on a « j'y vois ». Mais après le dialogue que nous allons écouter maintenant, nous allons revenir pour apporter encore un peu plus d'éclaircissement. Bonne idée. Donc on l'écoute maintenant. Tu sais quoi? Mon coiffeur a essayé de me faire croire que Nicolas Sarkozy était non seulement le président français, mais également le président de l'Union européenne. Et tu as avalé ça? Bien sûr que non, on me la fait pas à moi. Je n'ai pas cru une minute. Eh bien, c'est malin. Tu veux que je te dise? T'aurais mieux fait de le croire. Quoi? C'est vrai? Plus ou moins. Laisse-moi t'expliquer. Depuis le 1er juin 2008, la France assure la présidence du Conseil de l'Union européenne pour une période de 6 mois. Comment ça? Cette fonction est assurée par les États membres selon un système de rotation semestrielle. Le président et le ministre des Affaires étrangères du pays à qui c'est le tour deviennent alors la voix et le visage de l'Union européenne. Ils s'expriment au nom de tous les États membres. J'ai du mal à saisir. Sarkozy n'est donc pas vraiment le président de l'Union européenne, mais la représente jusqu'au 31 décembre 2008. J'y vois un peu plus clair. Mais avoue que mon coiffeur n'avait pas tout à fait raison. Donc, nous revoilà. Time for the subjunctive tip of the day. What's the expression, Omri? Tu veux que je te dise? Oui, je le veux. Bon. L'expression is subjunctive here is vouloir que. Oui. Tu veux que je veux que tu. Tu veux que je vienne avec toi à l'aéroport lorsque tu vas partir en vacances? Ah, c'est gentil, mais non, c'est pas nécessaire. Mais tu veux que je te dise ce que vraiment j'aimerais bien que tu fasses? Attends, laisse-moi deviner. Ok, because I'm going on vacation, so... Tu veux que je passe chez toi chaque jour, vérifier que tout se passe bien? No, that's okay. Tu veux que je fasse attention à ton chien? Oh, that's so nice. No, I'm bringing mon chien with me. Ah bon? Tu veux que je prenne ton courrier pendant que tu es parti? Oh no, that's already all taken care of. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu prennes du repos pendant mon absence. C'est très gentil, mais t'inquiète, c'est ce que je pensais aussi. Ok, good. Mais vraiment, je veux que tu le fasses. Ok, so, how is like Sarkozy, how can he do that and still be president of France at the same time? Isn't it a big responsibility? Bien sûr que c'est une grande responsabilité. Bon, je vais prendre un exemple simple. Par exemple, tu sais qu'il y a eu la crise financière là. Par moment, Nicolas Sarkozy s'est exprimé au nom de la France. Il a pris des mesures pour la France, mais à d'autres moments, il s'exprimait au nom de tous les États membres. Donc, il est allé voir le président des États-Unis, et par moments, il s'exprimait en tant que président français, et par moments, au nom de l'Union européenne. Voilà. So he gets to make all the decisions during those 6 months. What about the other leaders of the European Union? I mean, does he have to ask them first? Do they always agree on everything? Mais oui, parce qu'on l'a vu, c'est un conseil. Donc, so he's really just at the head of the table, really. Oui, mais si par exemple il y avait une situation à prendre dans l'urgence, il devrait peut-être prendre la décision seul. Mais normalement, il demande l'avis du conseil. Il se concerte entre tous les pays de l'Union européenne. Yeah, okay. Comme on le dit dans le dialogue, c'est la voix et l'image. Uh-huh, right. Okay. And he's probably the guy that stops everyone from fighting at the table. Mais comme c'est vrai qu'il est, comme c'est la présidence française, c'est lui qui peut donner les idées principales à suivre. Mm-hmm. Si pendant ces 6 mois, la France a envie qu'on débatte plus de certains sujets, il a l'autorité pour demander aux autres pays d'y faire plus attention pendant ces 6 mois. It's interesting to see how the Europeans are working this out and trying to find a system that really works for everybody. Oui, because it's kind of new. Exactement. On n'a pas encore un gouvernement et un président pour tous les États, pour tous les Européens. Right. All right. Well, if you have any questions, please come to FrenchPod.com and thank you for listening. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.